21-24, activation orale, recevoir. Répondez selon l'exemple. Vous entendez ? 1. Elle est très cultivée. Et vous dites ? Oui, elle a reçu une très bonne éducation. Allons-y. 2. Hubert est très cultivé. Oui, il a reçu une très bonne éducation. 3. Que vous êtes cultivés, vous deux. Mais oui, nous avons reçu une très bonne éducation. 4. Mireille et ses sœurs sont très cultivées. Oui, elles ont reçu une très bonne éducation. 5. Que tu es cultivé. Oui, j'ai reçu une très bonne éducation.